الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من عالى ثلاث أخوات. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Ismail, nous dit dans son livre « Al-Adab al-Mufrad » chapitre « Celui qui prend soin de trois sœurs ». Chapitre « Celui qui prend soin de trois sœurs ». C'est-à-dire qu'il les prend à sa charge, il les prend et les porte dans son cœur, c'est-à-dire qu'il dépense pour elles, il les loge, les vêtit, il se montre miséricordieux envers elles, il les accompagne avec excellence, il se montre patient et endurant. Quelle est la récompense d'une telle personne? Il nous mentionne le hadith an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal la yakunu li ahadin thalath banat أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. Selon Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: nul n'a trois filles ou alors trois sœurs tout en se montrant bienfaisant envers elles sans qu'il n'entre au paradis. Donc celui qui se montre bienfaisant envers trois sœurs qu'il a ou trois filles qu'il a, on lui promet l'entrée au paradis. Dans le hadith, on nous dit trois filles ou trois sœurs. Soit le rapporteur du hadith a eu un doute entre la récompense, yani à quoi il rattachait la récompense, s'occuper de trois sœurs ou s'occuper de trois filles. Soit c'est valable tant pour les filles que pour les sœurs. Que faut-il faire pour obtenir cette récompense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « فَيُحْسِنُوا إِلَيْهِنْ » Il se montre bienfaisant envers elles. Et la bienfaisance a une portée générale. Il est bienfaisant envers elles dans les dépenses, il est bienfaisant envers elles dans le logement, il est bienfaisant envers elles dans son comportement envers elles, il est bienfaisant envers elles dans leur éducation, et ainsi de suite. Quelle est la récompense? Illa dakhal al-jannah. C'est l'entrée au paradis. On voit ici le grand mérite qu'il y a à prendre soin de ses sœurs, et c'est la raison pour laquelle l'imam al-Bukhari a mentionné ce hadith sous ce chapitre, et c'est également valable pour ceux dont nous avons parlé lors du dernier cours, celui qui prend soin de ses filles. Et on pourrait se demander dans quelle situation, dans quel cas, la personne serait amenée à prendre ce rôle. Le cas le plus flagrant, c'est celui du décès du père. Le frère se met à prendre soin de ses sœurs et les avoir à sa charge. Naam. Ou dans le cas où le père est malade, ou infirme, ou handicapé, ou trop pauvre pour prendre à sa charge ses enfants. Et d'autres situations qu'on pourrait imaginer. Barakallahu fikum. Le chapitre suivant, Babu Fadli man ala bnatahu al-mardouda. Le chapitre suivant, le mérite de celui qui prend de soin de sa fille qui a été rejetée. Chapitre, celui qui prend soin de sa fille qui a été rejetée. Celle qui a été rejetée, c'est-à-dire qu'il lui a été retourné suite à un événement. Suite à un événement. Cet événement peut être le décès de son époux, par exemple. Cet événement peut être le divorce de son époux. Cet événement, yani, on peut imaginer d'autres choses encore. Les hadiths que nous avons mentionnés précédemment englobent cette situation. Mais l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a voulu spécifier ce cas, car cette femme a encore plus besoin d'attention, de miséricorde. Elle arrive chez son père avec le cœur brisé, avec une grande peine, affliction et tristesse. Ça, c'est la première sagesse. La seconde, on attire l'attention sur certains pères qui peuvent être dotés d'une certaine dureté, une certaine sévérité, une certaine rudesse de par leur éducation, leur naturel. Donc, comment se comportera-t-il avec elle? Peut-être qu'il va être rude dans ses actions et manquer de délicatesse, de sagesse dans les mots, dans les termes. Peut-être qu'il va ne pas l'accepter ou lui dire « je t'accepte mais sans tes enfants ». Peut-être qu'il va accepter ses enfants mais pas elle. Peut-être qu'il va la renvoyer et ainsi de suite. Ce qui causera que plus d'affliction, que plus de tristesse, de peine et de cassure. Donc, voici ce que préconise l'islam, ce qu'ordonne l'islam, la bienfaisance envers la fille qui retourne chez son père. Et cela à l'inverse de ce que on peut trouver dans certaines sociétés ou dans certains cas isolés de personnes qui épousent la femme et après certaines heures, après certains jours, après avoir consommé, na'am, sans aucune cause légitime, la divorce. Puis refait ça avec une autre. Et sans aucune cause légitime par la suite, la divorce. Et ainsi de suite. Et ils peuvent avoir une... Ils peuvent avoir la confiance de certains, soit parce qu'ils sont amis de personnes de confiance, ou ils sont amis de certaines personnes de science, ou autres. Non, que chaque personne craigne Allah Azza wa Jalla envers ses propres filles lorsqu'il les marie. Il ne faut pas marier la fille à un tel parce que c'est l'ami d'un tel ou parce qu'il connaît un tel. Non, il faut se renseigner sur lui. Il faut se renseigner sur sa piété. Il faut se renseigner sur son comportement. Ça ne suffit pas de dire qu'il connaît un tel. Non, peut-être que ces derniers, eux ne le connaissent même pas. Ils utilisent leur nom pour obtenir des faveurs. Le fait qu'on connaisse tel ou tel prêcheur n'est pas gage de piété ni de droiture. Naam. Et le prêcheur lui-même ne prétend même pas à la piété. Donc, le responsable de la fille doit craindre Allah Azza wa Jal et faire attention. Barakallahu fikum. L'imam al Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit عن المقدام ابن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. Selon le Miqdam, Ibn Ma'adi Karib, il a entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Ce que tu consommes pour ta propre personne est considéré en ta faveur comme une aumône. Ce que tu consommes pour ton enfant, ce que tu achètes, ce que tu dépenses, donc tout ce avec quoi tu nourris ton enfant est considéré pour toi comme une aumône. » Tout ce que tu dépenses pour nourrir ton épouse est considéré pour toi comme une aumône. Tout ce que tu dépenses pour nourrir ton servant est, ou ton employé est considéré en ta faveur comme une aumône. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'il faut espérer la récompense d'Allah azzawajal dans toutes nos dépenses, même les dépenses personnelles. Lorsque tu achètes à boire ou à manger, pour ta propre personne, tu peux te voir récompensé si tu mets une bonne intention. C'est une aumône. Tu te nourris pour préserver ce corps, pour le faire grandir, pour lui donner de la force afin qu'il puisse concrétiser ce pourquoi Allah l'a créé, adorer Allah Azzawajal seul sans rien lui associer. Tu manges le halal et tu délaisses le haram pour te soumettre à l'ordre d'Allah Azzawajal, tu te vois récompensé. Tu manges, tu bois et tu te vois récompensé. Et ceci est un grand bienfait d'Allah Azzawajal sur ses serviteurs. Espère donc la récompense. Et lorsque tu dépenses pour ton enfant et tu nourris ton enfant, c'est comptabilisé pour toi comme étant une aumône alors que c'est ton obligation. Et c'est la partie pour laquelle l'imam al-Bukhari a mis ce hadith sous ce chapitre. Et la fille qui revient chez son père entre dans la généralité des enfants. Donc, si tu espères la récompense et que tu la nourris elle et peut-être ceux avec qui elle est venue, tes petits-enfants, na'am, sache que tu obtiens l'aumône ou la récompense de la sadaqa pour chaque chose qu'ils mangeront. Puis, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, tout ce que tu dépenses pour nourrir ton épouse, c'est comptabilisé pour toi comme étant une aumône. Et vous voyez qu'ici, on nous dit zaoujak et pas zaoujatak. Car le mot zaouj est utilisé dans la langue arabe et même dans les textes religieux, tant pour l'époux que l'épouse. Et c'est même plus éloquent, c'est ce qui a été utilisé dans le Coran, dans l'histoire de Adam et Hawa. Anta wa zawjuka al-jannah. Donc ça n'est pas une erreur. Donc tout ce que tu dépenses pour nourrir ton épouse est une sadaqa. Et on voit ici le grand bienfait d'Allah Azzawajal sur ses serviteurs. C'est qu'il leur prescrit des choses. Il leur ordonne des choses, c'est obligatoire pour eux de le faire. Mais malgré ça, il y rattache une récompense. À un point tel que le prophète alayhi salat wa salam nous dit, même, yani hatta luqma tada'uha fi zawjatik laka ajr. Même la bouchée que tu mets dans la bouche de ton épouse, il y a en cela une aumône. Il y a en cela une aumône. Que ce soit au sens propre, de par la douceur, la bonne entente et le fait de se faire aimer ou elle se fait aimer, na'am, il lui porte sa nourriture à la bouche ou tout ce qu'il achète et tout ce qu'elle mange, na'am, dans ce sens-là, c'est pour lui une récompense. C'est pour lui une récompense. Et cela est une, yani connaître cette science-là est une grande cause d'endurance et de régularité dans le bien et dans les dépenses. Particulièrement, celui qui est éprouvé par un enfant ingrat ou par une épouse ingrate ou par un employé ingrat. Naam. L'employé qui travaille pour toi, tu te dois de le nourrir. Naam. Et il se peut que c'est trois catégories, l'enfant, l'épouse, l'employé. Ceux à qui tu fais le plus de bien se montrent ingrats et aient un comportement déplacé. Ça pourrait te pousser à ne pas t'acquitter de tes devoirs. Cependant, ce hadith te pousse au contraire à l'endurance, à remercier Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits et à dépenser pour ceux qui sont sous ta responsabilité. Même si tu entends beaucoup de plaintes, même si tu entends Mada, des paroles désagréables, témoignant d'ingratitude. Tu le fais en espérant la récompense d'Allah Azzawajal, en ayant la certitude qu'Allah Azzawajal lui te voit, lui t'entend, il te récompensera pour ton action. Dis-toi, moi je les nourris pour Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je fais cela pour me rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si ce que dépense l'homme pour son enfant, pour son épouse est une aumône, est-ce qu'il leur convient, eux, à leur tour, de dénigrer cette aumône, de mépriser cette aumône, d'être ingrat envers face à cette aumône? Est-ce qu'il convient de ne pas remercier celui qui dépense? Tu entends et tu vois les choses les plus étonnantes dans ce chapitre. Certains enfants, le père achète, dépense, se fatigue, et peut-être qu'il est dans une situation financière par un moment qui lui est difficile, et l'épouse cuisine. Puis tu entends l'enfant dire « j'aime pas ». Oh combien est mauvais ce comportement. Puis tu entends l'enfant dire « on peut pas manger autre chose » ou « on peut aller manger un hamburger » ou « on peut aller au McDonald's » ou « on peut et on peut ». Subhanallah. Ceci est un manque de respect face au bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou encore, celui qui dépense pour sa famille, qui apporte les courses, et eux mangent, mais ne lui donnent pas à manger. Mais ne lui donnent pas à manger. C'est un mauvais comportement exécrable. À l'inverse, tu trouves que lorsqu'il y a des invités, on lui pose les meilleures des choses. Mais l'homme, lui, qui achète ces choses-là, on ne lui pose pas, ou on ne lui embellit pas la table, ou on ne le sert pas. Tout ceci est contraire. En plus d'être contraire aux us et coutumes, comportement qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. Donc il y a en tout cela une sadaqa. Le père qui accueille sa fille, qui lui revient, dépense pour elle à cette charge en dur, patiente, qu'il sache que tout ce qu'il fait pour elle est une aumône. Le chapitre suivant, Babu al-Waladi Mabkhalatun Majbana. Le chapitre suivant, l'enfant est une cause d'avarice et Mada de peur, ou plutôt de lâcheté. L'enfant est une cause d'avarice et de lâcheté. Ce qui est voulu dans ce chapitre, c'est que l'homme à qui Allah Azzawajal fait don d'enfant peut être poussé à ne pas dépenser de ses biens comme il le ferait sans avoir ses enfants. Deuxièmement, comme le fait de faire des sadaqat, comme le fait de venir en aide à ses proches, comme le fait de faire l'umra et le hajj, des adorations qui nécessitent de l'argent, comme le fait de sacrifier les bêtes du Eid, et ainsi de suite. Pourquoi? Il se dit, j'ai une charge, j'ai des enfants, il faut que je mette de l'argent de côté pour eux, et ceci, et peut-être, et on sait jamais, et s'ils tombent malades. Donc ça devient une cause de quoi? De bukhl, d'avarice. Aussi, ça peut être une cause de djoubn, de lâcheté. La personne ne fait pas ses obligations, na'am, car elle se dit, il peut être par exemple dans l'armée, où il peut être policier, où il peut défendre les frontières du pays et autres. Mais il va avoir une peur supérieure à ce qu'il aurait eu habituellement et peut-être va délaisser son obligation et son travail. Pourquoi? Parce qu'il se dira, mais s'il m'arrive quelque chose, qui s'occupera de mon enfant? Donc il pensera de la sorte au point où ça le poussera à la faute et à délaisser ses obligations. Non pas que les enfants, que toute personne ayant des enfants se comporte ainsi, mais ça peut pousser certains parents à cela. Voici l'intitulé et le sens de ce chapitre. An Aisha radiallahu anha qalat. قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بني فقلت له فقال أعز علي والولد الوط عائشة رضي الله عنها دي Abu Bakr radiallahu anhu dit un jour, par Allah, il n'y a pas sur la terre un homme plus aimé auprès de moi que Omar. Une fois sorti, il est revenu et a dit, ô ma fille, sur quelle parole je viens de jurer? Qu'ai-je dit en jurant, ô ma fille? Aïcha lui a dit, tu as dit ceci et cela. Puis Abu Bakr a corrigé sa parole et a dit, a'azzu alayhi. Pas plus, ça n'est pas le celui que j'aime le plus sur la terre, mais celui qui m'est le plus cher. Il a corrigé en disant, celui qui m'est le plus cher. Puis il a dit, et l'enfant est plus serré. L'enfant est plus collé, c'est-à-dire à mon cœur. L'enfant est plus collé que le meilleur ami. Voici un magnifique hadith que nous rapporte Aïcha radiallahu anha de ce qu'elle a pu témoigner de son père. Voici un magnifique athar. On tire de ce hadith, à travers la parole de Abu Bakr, il n'y a pas sur terre une personne que j'aime plus que Omar. La valeur de Omar ibn Khattab radiallahu anhu et que c'est le meilleur des hommes après Abu Bakr radiallahu anhu. Deuxièmement, le fait, yani entre dans l'éducation de l'enfant, le fait de témoigner l'amour qu'on porte aux gens de science, aux gens de vertu, de noblesse. Il faut faire apparaître cela et dire cela. Tu montres leur place, tu montres leur rang, tu affiches ton amour pour eux. Abu Bakr a dit ça à quel moment? Après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. La personne qu'il aimait le plus, c'était qui? C'était Omar. Car Omar était la meilleure des personnes après Abu Bakr et l'ensemble des prophètes, radiallahu anhum wa alayhim salam. Et Abu Bakr et Omar sont les meilleurs habitants du paradis, tout comme ils étaient les meilleurs habitants de la terre après les prophètes et les messagers. Il y a une grande sagesse à faire entendre cela à nos enfants. Pourquoi? Ils vont connaître la valeur des gens de bien. Et ils vont pouvoir discriminer. Ils vont pouvoir préférer ceux qui sont meilleurs à ceux qui le sont moins. Ils vont pouvoir accorder à chacun son rang et sa valeur. Et ils vont pouvoir te prendre en exemple en aimant les gens vertueux et les gens de bien. Par exemple, tu es assis dans ton salon et tu dis à ton enfant, parmi les savants que j'aime le plus, il y a Cheikh Salah Al-Fawzan. Parmi les savants que j'aime le plus, il y a un tel. Dis-moi, que va susciter cela dans le cœur de ton enfant? Il va se dire, si mon père, d'entre l'ensemble des savants, c'est un de ceux qu'il aime le plus. C'est vraiment une personne particulière. Et il va se mettre à aimer ce shir, à écouter ce shir, à prendre ses recommandations. Naam. Et tu lui mentionnes les savants, tu lui mentionnes les compagnons, tu lui mentionnes les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, et ses filles, et les pieux prédécesseurs, et les savants jusqu'aux contemporains. Tu fais leurs éloges et tu témoignes de leur amour en Yani à voix haute, tu lis la parole de l'un d'eux, puis tu mentionnes ton amour pour eux, et régulièrement. Ceci entre dans l'éducation de l'enfant. Et cela contrairement à ce qui a touché beaucoup de foyers musulmans, malheureusement. C'est que leurs enfants se mettent à aimer et à rattacher leur cœur à des célébrités égarées, à des youtubeurs perdus, à des footballeurs déchus. Naam, leur cœur est rattaché à eux. Ils veulent leur maillot, ils veulent inscrire leur nom derrière, même s'ils font partie des égarés. Même s'ils font partie des égarés. Que ce soit des footballeurs, que ce soit des acteurs, que ce soit des rappeurs, que ce soit des... et ainsi de suite. Plus vulgaires les uns que les autres, plus égarés les uns que les autres, tu trouves dans les foyers croyants des enfants qui les magnifient, qui les évoquent, qui les mentionnent et témoignent et ont le cœur attaché à ces gens. Subhanallah. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que leurs parents les regardaient, ou les suivaient, ou les écoutaient, ou les mentionnaient. Ceci est très dangereux car ils vont les prendre comme exemple. Ce qu'il convient de mentionner à ton enfant, ce sont les exemples. Les savants, les personnes vertueuses. Barakallahu fikum. Et lorsque tu mentionnes ton amour pour ces gens-là, cite la cause. Parce qu'ils ont secouru l'islam et les croyants, parce qu'ils dépensent beaucoup pour la cause d'Allah, parce qu'ils aident ceci, parce qu'ils aident cela, parce qu'ils construisent pour la communauté ceci et cela, parce qu'ils font du bien à la communauté, et ainsi de suite. Tu leur cites la cause pour qu'ils comprennent et qu'ils prennent cette éducation. On voit également comment Abu Bakr radiallahu anhu s'est adressé à sa fille Aïcha. Il aurait pu lui dire Aïcha, mais il a dit à Abu Bunayya, ô ma chère fille. On voit ici la douceur et la bienfaisance, même dans l'appellation de l'enfant. Même dans l'appellation de l'enfant. Que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Que ce soit un garçon, que ce soit une fille. On voit également la place de l'enfant. On voit également la place de l'enfant. C'est qu'il est collé au cœur du parent. Il est collé au cœur du parent. Ici, Abu Bakr radiallahu anhu a pensé l'éventuelle plaie de sa fille en mentionnant cette parole. Et il l'a élevée, il l'a valorisée, il l'a considérée. Et l'enfant aime voir la reconnaissance dans les yeux, dans le regard de ses parents. Mais lorsqu'ils grandissent, il faut les rattacher à Allah azzawajal dans ce qu'ils font. L'enfant, par faiblesse ou par recherche de valorisation, par fragilité, il se peut qu'il fasse beaucoup en attendant en retour. C'est bien qu'il fasse beaucoup pour honorer ses parents, mais il faut l'éduquer sur le fait de faire pour Allah, à la recherche d'Allah, car Allah lui ordonne. Non pas que s'il ne fait pas tout ça, il ne sera pas aimé, ou qu'il sera au-dessus de ses frères et sœurs, non. Tu lui mentionnes que tu les aimes tous et que tu veux que tous se concurrencent dans le bien. Mais qui ne doit pas faire que pour recevoir les éloges. Barakallahu fikum. Donc c'est un texte magnifique avec l'éducation que donna Abu Bakr radiallahu anhu. Ali ibn Abi Nu'aym قال كنت شاهدا ابن عمر رضي الله عنهما إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت؟ قال من أهل العراق فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانين من الدنيا. Abdullah ibn Omar a été questionné par un homme au sujet du sang de la mouche. Abdullah ibn Omar lui a dit, d'où viens-tu? Il lui a répondu, de l'Irak. Et Abdullah ibn Omar lui a alors dit, regardez-moi celui-ci. Il me questionne sur le sang de la mouche alors qu'ils ont assassiné le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wa sallam dire, tous deux sont ma senteur de ce bas-monde, mon parfum de ce bas-monde. Ils ont assassiné le fils du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est-à-dire le petit-fils. On appelle le fils, même si ils descendent plus que cela. Et on appelle le grand-père et les arrière-grands-parents, grand-père, le père, même si c'est au-dessus de cela. Dans Sourate Yusuf, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. نعم, بارك الله فيكم. Donc, dans ce hadith, un homme est venu questionner Abdullah ibn Omar. Et ceci est une sunnah qui a toujours eu lieu, le fait de questionner les gens de science. Le prophète, alayhi salatu wa salam, sinon les compagnons, sinon leurs successeurs, et ainsi de suite, jusqu'à nos jours, lorsqu'on trouve un savant, on l'interroge. Mais Abdullah ibn Omar, avant de lui répondre, il lui a dit, d'où viens-tu? On voit ici l'intelligence du savant et l'importance de détailler et d'interroger avant de répondre. Car il se peut que la personne qui interroge sur une chose particulière ou en apparence anodine le fait suite à des troubles, survenus dans sa région. Il lui a dit de l'Irak. Et l'Irak est connu pour les troubles, successifs. C'est un endroit où il y a eu des problèmes et des fitnes. Et là, Abdullah ibn Omar s'étonne et dit, regardez celui-ci, regardez-le celui-là. Il m'interroge au sujet du sang de la mouche, yani le jugement de la tuée. Naam. Ou plutôt alors qu'ils, c'est-à-dire les gens d'Irak, ont tué le fils du prophète alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire son petit-fils. Comment peuvent-ils questionner sur le sang de la mouche et chercher à craindre Allah Azzawajal dans cette chose-là jusqu'à cette manière détaillée et spécifique, alors qu'ils n'ont pas la même piété pour des choses bien plus gigantesques que celle-ci, à savoir assassiner une personne de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, ses bien-aimés, promis au paradis. Et c'est ainsi, certains qui sont éprouvés par les troubles peuvent donner énormément d'importance à une chose recommandée, puis négliger une chose extrêmement importante parmi les obligations. Ou alors s'accrocher à une innovation, et lorsqu'il y a une sunna, ne pas y prêter attention. Certains, par exemple, fêtent l'anniversaire du prophète alayhi salatu wa sallam. Naam. Mais lorsque c'est l'Eid, Al-Adha, ils ne sacrifient pas de bêtes et peut-être ne vont même pas à Salat al-Eid. Certains, parce qu'ils sont dans le mois de Rabi' al-Awwal, vont lire des récits et chanter des chants et ainsi de suite, disant qu'ils aiment le prophète alayhi salat wa salam. Et aimer le prophète, c'est obligatoire. Mais ça n'est pas ainsi qu'on témoigne de son amour. Car ça n'est pas légiféré. Au même moment, ces gens-là, dans l'adoration, vont adorer Allah, pas comme le prophète nous l'a enseigné, en contradiction avec ce qu'il nous a enseigné. Naam. Ici, Abdullah ibn Omar, lorsqu'il dit alors qu'ils ont tué, il ne parle pas de cet homme-là. Il parle des gens de son pays. Il parle des gens de son pays. Puis il a mentionné le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Huma, c'est-à-dire Hassan et Hussein, ses petits-fils, les enfants de Ali Fatima radiallahu anhum, Rayhanayya minad dunya. Al-Rayhana, c'est la plante qui a une bonne odeur, la senteur. Naam, la plante qui a une bonne odeur. Le prophète les a les surnommés ainsi. Naam. Dans notre texte, Rayhana Tayn Minad Dunya. Rayhana, qu'est-ce que tu fais avec? Tu la sens. Et qu'est-ce que ça a comme effet sur toi de la voir ou de la sentir? Ça te cause un contentement, une joie, un apaisement, une tranquillité. Tu te réjouis de cela. Tu prends plaisir à la contempler. Tu la sens. Tu souhaites l'accueillir, la voir. Ben, c'est la même chose pour le prophète alayhi salatu wa salam lorsqu'il voyait et avait ses petits-enfants. Non seulement il le faisait avec eux, mais on a même des textes où il a porté son fils Ibrahim. Naam. Il l'a pris, il l'a porté, il l'a embrassé, wa shammahu, et il l'a senti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La rahma des parents amène au niveau où ils sentent leurs enfants. Allahu Akbar. Avant d'avoir des enfants, tu peux t'étonner de cela. Tu peux t'étonner de cela. Et en sentant l'enfant, il sent une odeur, subhanallah. Il sent que son enfant a une odeur particulière, et peut-être qu'il dit, d'un enfant à un autre, ça n'est pas la même. Et il ressent un plaisir, il ressent un délice, un apaisement, une tranquillité, un bonheur, une satisfaction. Certains parents trouvent même l'odeur de leur enfant, naam, plus bonne et agréable que certains parfums. Et une femme qui tranquillisait son enfant et calmait ses pleurs a prononcé quelques vers de poésie en disant « Ya habbadha rih al-walad » Elle a dit « Oh comme est bonne l'odeur de l'enfant !» Rih al-khuzamata ou rih al-khuzamati fil balad. أهكذا كل الولد أم لم يلد قبلي أحد ou comme a dit cette femme, yani le sens rapproché de ces mots, ô combien est bonne l'odeur de l'enfant, la meilleure odeur dans l'endroit. Est-ce ainsi qu'est l'odeur de tous les enfants, ou aucune femme avant moi n'a enfanté? Où aucune femme avant moi n'a enfanté, subhanallah. Elle s'étonne. Elle s'étonne du plaisir et du délice ressenti en sentant son enfant. Puis elle dit, est-ce que c'est que pour mon enfant que c'est ainsi? Ou bien personne n'a jamais enfanté pour ressentir cela? Donc ceci est vraiment une chose qu'Allah Azza wa Jal met dans la fitra de départ. Tu t'étonnes de trouver certains pères très rudes, très forts, imbattables, à la lutte, respecté et craint de grandes personnes. Puis lorsqu'Allah Azza wa Jal lui fait don d'enfant, tu vois une douceur émanant de lui que nul ne lui a connue auparavant, ni même sa plus proche mère, ni même sa plus proche épouse. Et c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal met dans le cœur du parent. Naam. Donc, l'affaire de l'enfant est une chose extraordinaire. Cet homme fort peut être amené à ne plus réussir à dépenser comme il le faisait auparavant. Il devient un peu avare. Naam. Et cet homme fort se met à redouter. Naam se met à redouter certains risques et certaines actions. Il se met à avoir un peu de lâcheté. Mais le musulman doit être dans le juste milieu Et si ce sentiment se fait ressentir, il doit le combattre pour aller dans le juste milieu. Non pas dépenser tout son argent et ne pas mettre son enfant en sécurité, et non pas prendre des risques inutiles et rouler à vive allure et ainsi de suite, mais à mettre dans le juste milieu et continuer à faire du bien. Certains délaissent même l'étude et la recherche de la science, parce qu'ils ont des enfants. Certains délaissent même le hajj, parce qu'ils ont des enfants. Et ainsi de suite. Une remarque pertinente qu'on ajoute ici, c'est que par amour de l'enfant, certains se mettent à dispenser une mauvaise éducation. Ils se mettent à dispenser une mauvaise éducation. Quelle est cette mauvaise éducation? C'est de dire sans cesse, laisse-le, il est petit. Laisse-le, il est encore petit. C'est-à-dire, on laisse l'enfant roi, l'enfant dictateur, faire tout ce qu'il veut. Et c'est une calamité qui a frappé et affligé certains foyers musulmans, particulièrement les adeptes de la méthode Montessori. Qui manque de raison au point de laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Il travaillera quand il voudra. Il fera ce qu'il voudra. Allahu Akbar. L'enfant devient le roi dans le royaume de la maison. Mais si l'enfant est le roi, tu es qui toi? Toi le parent, tu es qui? Si l'enfant est le roi, tu es qui? Il ne peut y avoir deux rois dans le royaume. On souhaite lui enseigner, il est trop petit. On souhaite lui apprendre les bonnes manières, il est trop petit. On souhaite le reprendre sur ses fautes, il est trop petit. On lui apprend le un bon langage, il est trop petit. Le respect, les politesses, il est trop petit. C'est alors qu'un jour, il est grand. Et là, il dit, je n'ai plus 5 ans. Il ne veut plus écouter. Vois-tu la tige qui sort de la terre? Si elle pousse de travers, tu peux là rectifier sa trajectoire en plantant un bâton, en l'attachant. Elle grandira de manière droite. Mais lorsque la tige est devenue un tronc gigantesque, colossal, est-ce que tu peux mettre un petit bâton ou un fil pour rectifier la trajectoire? Non, c'est trop tard. Mais Allah est ala kulli shay'in qadir. Pour celui qui s'est réveillé tard, qu'il compte sur Allah et qu'il fournisse les efforts. Naam, c'est tard, mais pas trop tard. Je corrige cette parole, c'est une erreur de ma part. C'est tard, mais pas trop tard. Donc, ne dis pas il est petit, jusqu'à le perdre d'entre tes mains. L'enfant pleure, on le laisse faire tout ce qu'il veut. L'enfant opprime, on le laisse faire tout ce qu'il veut. Certaines femmes se mettent même à inviter leur sœur Filla en disant sans enfant. Pourquoi? Parce que certaines femmes ne maîtrisent pas leurs enfants. L'enfant peut tout casser dans le foyer de l'autre et elle ne dira rien parce que c'est le roi. Si c'est le roi chez lui, à plus forte raison, c'est le roi chez les autres. Elle n'ose même pas reprendre son enfant chez les autres. L'enfant peut écrire avec des feutres sur le canapé de l'autre. Il peut arracher les rideaux. Il peut. Naam. Jusqu'à ce que l'enfant miskin se fasse détester par des personnes qui ne le connaissent même pas suite à son mauvais comportement. Et attention, ça n'est pas parce que l'enfant a un mauvais comportement qu'il a reçu une mauvaise éducation. Certaines mères, certains hommes, certains pères éduquent à la perfection l'enfant, mais sachez que c'est Allah qui guide. Et ça viendra dans le cours. Mais là, je parle d'un point particulier, c'est celle qui laisse faire à l'enfant tout ce qu'il veut, l'enfant roi, et ensuite une fois grand, elles disent, il ne m'écoute pas. Naam, il ne m'écoute pas. C'est normal. Tu ne l'as pas éduqué sur le fait de t'éduquer lorsque tu avais autorité sur lui. Naam. Ça, c'est le premier point. C'est qu'ils ne l'éduquent pas parce qu'ils disent il est trop petit. Ils ne le reprennent pas parce qu'il est trop petit. Ou l'un des deux parents défend l'enfant dans le mal et le faux contre le parent qui veut l'éduquer. Le deuxième cas qu'on trouve, wal'iyadhu billah, ce sont des pères qui travaillent dans le haram. Il y a de l'alcool, il y a du porc, il y a de l'usure, du haram, riba et autres. Naam. Et quand tu le conseilles, il te dit, oui, mais j'ai des enfants, comment je vais payer le loyer, comment je vais les nourrir? Allahu Akbar, tu veux mettre du feu dans leur ventre? Tu veux les faire grandir? Tu veux qu'Allah n'accepte pas leur dua? Tu veux les rapprocher du chemin de l'enfer? Toute personne qui a grandi de nourriture illicite, le feu de l'enfer est plus à même de l'accueillir, comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, cette fausse miséricorde prétendue, travailler dans le haram pour nourrir ses enfants et ne pas laisser le haram pour Allah parce qu'on a des enfants, ou délaisser l'éducation parce que ça frustre l'enfant, parce qu'il faut pas toucher aux sentiments de l'enfant, ou parce qu'il faut laisser l'enfant faire ce qu'il veut parce qu'on a étudié dans la méthode Montessori ceci et cela. Subhanallah. Est-ce que cette méthode, vous l'avez trouvée dans le Coran? Est-ce que cette méthode, vous l'avez trouvée dans la Sunna? Est-ce que cette méthode, vous l'avez trouvée chez Abi Bakr, Omar, Uthman, Ali? Est-ce que vous avez entendu Khadija, radiallahu anha, éduquer ses enfants dans cette méthode? Ce qu'Allah vous a révélé ne vous suffit-il donc pas? Dirigez-vous vers les éducateurs. Des méthodes, il y en a plein. Et si ton enfant sait lire à 3 ans, mais qu'à 10 ans, il ne connaît pas son Seigneur, il ne connaît pas sa religion, il ne connaît pas son prophète, tu auras gagné quoi? Nous ne sommes pas contre l'éducation, mais l'éducation qui est délétère et qui noircit les cœurs, nous n'en voulons pas, ni pour nous, ni pour nos enfants. Naam. Et on n'interdit pas de prendre le bien où il se trouve, ou de l'accepter d'où qu'il vienne plutôt. Mais la plupart de ceux qui diront, moi dans la méthode, je prends ce qui est bien et je délaisse. Seule une minorité en ressortira sans s'être brûlé les ailes. Seule une minorité en sortira sans lacune. Ça peut même être inconsciemment qu'ils sont affectés dans l'éducation de leurs enfants par la suite. Barakallahu fikum. Il faut de la douceur et de la miséricorde, mais il faut également de la rigueur et de l'organisation. Donc si tu prends le bien qu'il y a dans telle ou telle méthode et que tu te préserves de son mal, on suppose donc que tu fais partie des gens qui ont de la science. Parce que pour mettre cela dans un filtre et prendre le bien et délaisser le mal, il faut déjà connaître et distinguer le bien du mal. Distinguer le bien du mal. Barakallahu fikum. Voici pour ces quelques recommandations à l'occasion de l'étude de ce hadith. Barakallahu fikum. Et qu'Allah fasse miséricorde à la femme qui attrapait son mari à la porte et disait, ô un tel, crains Allah envers moi et mes enfants. Car certes, nous pouvons patienter sur la faim, mais nous ne pouvons pas patienter sur le feu de l'enfer. Elles exhortaient leur mari à travailler que dans le halal. Barakallahu fikum. Le chapitre suivant, Babu Hamli Sabi ala al-Atiq. Chapitre, porter l'enfant sur ses épaules. Ceci fait partie de la douceur et de la compassion envers l'enfant. Également, ça lui fait aimer la compagnie de ses parents et établit une grande proximité. Également, on attire ici l'attention aux parents quant au fait de faire entrer la joie dans le cœur des enfants. Et que cela a une grande importance, même, de faire plaisir à l'enfant, même dans son éducation et son développement. dans son éducation et son développement. عن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. البراء رضي الله عنه dit j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم ayant الحسن sur ses épaules et disant ô Allah, je l'aime, aime-le donc. Je l'aime, aime-le donc. Après la mention d'Al-Hassan, le petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam, on a ici, salawatullahi alayhi. Et le fait de prier sur Al-Hassan, alors que c'est un compagnon, ne fait pas partie des choses connues dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, mais ce qui est connu dans les textes, c'est taraddi ani sahaba. C'est le fait de dire radiallahu anhu, comme on lui disait pour les autres compagnons. Quant au fait de dire salawatullahi alayhi, comme le disent les savants, cela fait partie des ma'adha, de l'initiative de certains éditeurs. Donc ça n'est pas dans le texte de base. Barakallahu fikum. On voit dans ce hadith, donc, que Al-Bara a vu Al-Hassan, le petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam, sur les épaules du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est la raison pour laquelle l'auteur a mentionné ce hadith sous ce chapitre. Et il faisait dua pour lui. Et il faisait dua pour lui en disant, « Oh Allah, je l'aime, aime-le donc. » On voit ici l'importance de l'affection pour l'enfant, des parents vers l'enfant. Naam. Et de faire ce dans quoi on a de grandes lacunes, donner du temps aux enfants. La plupart d'entre nous, puisse Allah nous pardonner, nous réformer, nous aider, nous répondons, je n'ai pas le temps, je travaille, je n'ai pas le temps, j'étudie, je n'ai pas le temps, kadra kadra. Certes, si nous n'avons pas le temps, nous avons fait des choix. Et ce choix, il faut l'adapter et le réguler. On ne te dit pas de ne pas travailler, on ne te dit pas de ne pas étudier, mais tout comme tu as rentré dans ton programme le travail et l'étude, tu dois rentrer l'enfant dans ton programme. Tu dois rentrer l'enfant dans ton programme. Wala hawla wala quwwata illa billah. On voit ici la grande place de l'Hassan auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Car il l'a aimé et a spécifié son amour pour lui. Et concernant Al-Hassan et Al-Hussein, les deux petits-fils du prophète, alayhi salatu wassalam, ils sont les meilleurs jeunes du paradis. Le prophète, sallallahu alayhi wassalam, comme le rapporte Abu Sa'id al-Khudri dans le recueil d'Imam al-Tirmidhi, Na'am, huma sayyida shabab al-Jannah. Ils sont les meilleurs jeunes des habitants du paradis. Si le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a aimé à mentionner son amour, quelle doit être notre position? On doit l'aimer. On doit aimer les gens de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. On doit aimer les compagnons. On doit aimer les compagnons. Écoutez ce que rapporte l'imam Ahmed, rahimahullah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, « Walladhi nafsi biyadi » لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. Le prophète sallam a dit à l'Abbas un jour à son oncle, par celui qui tient mon âme dans sa main, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne vous aimeront pas pour Allah, tant qu'ils ne vous aimeront pas pour le lien que vous avez, yani du fait que vous êtes mes proches, du fait que vous êtes mes proches. Que les gens de la famille du prophète sallam qui sont musulmans, on doit les aimer d'un amour particulier. Et attention, ne fais pas partie de l'amour pour les gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam d'exagérer en prétendant qu'ils connaissent l'invisible ou en les invoquant en dehors d'Allah. Non, le prophète sallam a dit « La tuturuni kama taratin nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh » N'exagérez pas, a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans mes éloges, comme l'ont fait les chrétiens avec Isa, le fils de Maryam. Je ne suis qu'un serviteur, dites donc serviteur d'Allah et messager. نعم لا بارول والله لا يدخل قلب امرئ ايمان يعني لا foi n'entrera pas dans le cœur d'une personne tant qu'il ne les aimera pas yani donc il n'aimera pas les gens de la famille du prophète alayhi salat wa salam. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam porte al-Hasan, qui est-il? C'est le serviteur d'Allah et le messager. C'est la plus haute personnalité, le plus occupé de la planète. C'est celui qui a la plus lourde responsabilité, le dernier prophète et messager. Et il n'y en aura pas d'autre après. Malgré ça, il trouve le temps de porter son petit-fils, sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer sa douceur, sa miséricorde, pour faire entrer la joie dans son cœur. Mais également, retenez cela, ça entre, on se répète, c'est important, on peut en être distrait ou l'ignorer, ça entre dans l'éducation de l'enfant que de jouer avec lui, que de le porter, que d'être doux avec lui, et ainsi de suite. Et lorsqu'on joue, on dit jouer avec l'enfant, c'est pas comme certains parents, l'enfant a 1 an, et joue avec lui, il veut faire de la lutte avec lui, ou se battre avec lui, et il le projette sur le sol et autres. Non, avec douceur, selon son âge. Combien de parents jouent avec leurs enfants et leur font mal? Et l'enfance, en son fort intérieur, c'est comme s'il se disait, j'aurais tant aimé qu'il ne joue pas avec moi. Il faut adapter le jeu à l'âge et à la carrure de l'enfant. Il y a aussi une autre sagesse, c'est que ce comportement du père ou du grand-père, naam, ce comportement du père ou du grand-père aura un effet sur les femmes de la famille. C'est-à-dire, si la mère voit que l'époux est doux envers ses enfants et qu'il a de la miséricorde envers ses enfants, elle l'aimera davantage et il y aura plus de miséricorde dans le foyer. Elle l'aimera davantage et il y aura plus de miséricorde dans le foyer. Si c'est le grand-père, elle l'aimera davantage et elle pourra l'honorer davantage, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc le fait de jouer avec l'enfant, ça concourt à son développement, à son éducation, naam, à sa motricité. Et on nous dit même que les enfants qui ont des parents qui leur donnent plus d'attention, particulièrement la mère, et jouent avec, ben, ils parlent plus vite. Ils marchent plus vite, souvent. Naam. On voit également dans ce hadith l'importance des du'as. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a demandé à Allah, azza wa jal, d'aimer Al-Hassan. Et Allah aime Al-Hassan, et aime Al-Hussein, et aime Al-Sahaba, et aime les personnes vertueuses et les gens pieux. Le prophète, sallam, demande cela. Donc, nous, qui ne sommes pas des compagnons, on doit demander à Allah Azza wa Jal pour nous et pour nos enfants, et du'a. Beaucoup pensent que c'est eux qui réforment l'enfant. C'est Allah al-Muslih, c'est Allah le guide, c'est Allah qui accorde la réussite. Toi, tu n'es qu'une cause, un éducateur, un conseiller, un conseiller, un enseignant, un éducateur. Mais c'est Allah qui guide les cœurs, c'est Allah Azza wa Jal qui accorde la réussite. Donc demande à Allah Azza wa Jal de réformer ton enfant, de lui accorder la réussite, je lui accorder la guider. Et rappelle-toi que les invocations des parents sont exaucées. Demande à Allah Azza wa Jal de t'aimer et d'aimer tes enfants. Demande à Allah Azza wa Jal de te préserver, de préserver tes enfants, de vous maintenir sur l'islam. Demande tout le bien pour toi, demande tout le bien pour ton enfant. Contrairement aux parents qui invoquent que lorsqu'il y a des problèmes et que contre l'enfant. Allah al-Musta'an. Le chapitre suivant, Babu al-Waladi Qurratu Ayn. Chapitre suivant, l'enfant est la prunelle des yeux. On peut le traduire ainsi, ou d'autres manières. L'enfant amène l'apaisement le plus haut, l'enfant amène la fraîcheur des yeux. Il y a différentes traductions possibles. Dans ce... Yani l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Bukhari nous mentionne ce chapitre. L'enfant pour ses parents, c'est la prunelle des yeux. L'enfant a une place grandiose et imminente auprès de ses parents. Et ce que peut faire le parent pour l'enfant, il ne peut le faire pour aucune autre personne et aucun autre enfant à la base. Mais à quel moment l'enfant deviendra la prunelle des yeux du parent? Dès lors qu'il les verra obéir à Allah Azza wa Jal. Dès lors qu'il les verra sur le droit et le bon chemin. Dès lors qu'il les verra et les observera obéir aux ordres d'Allah, à la recherche de son paradis et s'éloigner de la désobéissance d'Allah par crainte de son châtiment. C'est pour cela que parmi les invocations des serviteurs du Tout Miséricordieux, il y a Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ô Allah, accorde-nous en nos épouses, nos enfants, la prunelle des yeux. Et fais de nous des guides pour les croyants, ou des imams pour les croyants. Et Al-Hassan, rahimahullah ta'ala, al-Basri disait, « Ma min shayin aqarra li'ayn al-muslim min al-walad al-muti'i lillahi ta'ala. » Il n'y a rien qui réjouit plus le regard du musulman que de voir son enfant qui obéit à Allah, le Très-Haut. Et quel est ce père qui dirait « Moi, je suis satisfait si mon enfant est un criminel. Moi, je suis satisfait si mon enfant est un voleur, est un brigand, délaisse la salat. » Et a un mauvais comportement, et ainsi de suite. Quel père pourrait dire cela? Aucun. Même le criminel parmi les parents ne souhaite pas que son enfant suive le même chemin. Combien de mauvaises personnes disent « Je veux que mon enfant soit le meilleur. Je veux que mon enfant fasse les meilleures choses, qu'il soit droit, qu'il soit. Qu'il ne soit pas comme moi qui ai eu une mauvaise vie, et ainsi de suite. » عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال جلسنا رحمه الله قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما. جبير بن نفير dit un jour nous asseyâmes auprès de المقداد بن الأسود. المقداد بن الأسود est un noble compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم. فمر به رجل un homme passa par ici. فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأى أو رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Un homme est passé par là et a dit, en voyant Al-Miqdad ibn al-Aswad, le noble compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, bonne nouvelle à ces deux yeux qui ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam. Wallahi, par Allah, la wadidna anna ra'ayna ma ra'ayt. Nous aurions tant aimé voir ce que toi tu as vu. Le prophète Arsène. Wa shahidna ma shahidta. Et assista à ce que tu as pu assister. Fastourdib. Al-Miqdad s'est mis en colère. Faja'altu a'jab. Ma qala illa khayra. Ça m'a étonné. Parce qu'il n'avait dit que du bien. Thumma aqbala alayhi. Puis le Miqdad s'est dirigé vers lui. Et lui a dit. Ma yahmilu al-rajul ala yatamanna mahdanan ghayyabahu Allahu anhu. Comment se fait-il qu'un homme espère et a l'illusion d'avoir assisté à une chose qu'Allah Azza wa Jal ne lui a pas permis d'assister? La yadri lahu shahida wa kayfa yakunu fi. Il ne sait même pas s'il avait pu assister à cela, comment se serait-il comporté? Wallah, par Allah, laqad hadara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم. Par Allah, des gens ont été en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pourtant Allah les a jetés face la première en enfer. Ils n'ont pas répondu à son appel, ils n'ont pas cru en lui, en ses dires. أَوَلَا تَحْمَدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ أَخْرَجَكُمْ لَا تَعْرِفُونَ إِلَّا رَبَّكُمْ. N'allez-vous donc pas remercier Allah Azza wa Jal du fait qu'il vous a fait sortir et vous ne connaissez rien si ce n'est votre Seigneur? C'est-à-dire, vous êtes né dans l'islam, dans un pays d'islam, vous connaissez que l'islam. فَتُصَدِّقُونَ بِمَا جَاءَ بِنَبِيِّكُمْ. Et vous croyez en ce avec quoi vous a été envoyé votre prophète. قَدْ كُفِيتُمُ الْبَلَاءَ بِغَيْرِكُمْ. On vous a suffi face à l'épreuve, c'est-à-dire par autre que vous. وَاللَّهِ لَقَدْ بُعِثَ لَقَدْ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَشَدِّ حَالٍ بُعِثَ عَلَيْهَا نَبِيٌّ قَطَّ. Par Allah, le prophète صلى الله عليه وسلم a été envoyé, c'est-à-dire au peuple, et c'est la pire situation qu'un prophète ait pu connaître. فِي فَتْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ. Après une longue interruption d'envoi de prophètes et dans une ignorance profonde, ces gens-là ne considéraient pas une religion meilleure que celle de l'adoration des idoles, que celle de l'adoration des fausses divinités. فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ. Il est venu avec un discernement, c'est-à-dire le Coran, l'islam. فَرَّقَ بِي بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Il a discriminé entre la vérité et le faux. Il a distingué et fendu entre le vrai et le faux. وَفَرَّقَ بِي بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِ بين الوالد وولده. Il a tranché entre le père et son enfant. حتى إن كان الرجل يرى ولده لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها للتي قال الله عز وجل وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. Al-Miqdam poursuit son noble discours et son excellente exhortation en disant: un point tel que l'homme voyait son père ou son enfant ou son frère mécréant, et Allah, lui, avait ouvert le cœur à la foi. Et il savait pertinemment que si ses proches mouraient en dehors de l'islam, ils iraient en enfer. Il ne pouvait donc pas trouver le repos ou la fraîcheur des yeux, tout en sachant que son bien-aimé serait en enfer. Comme Allah Azza wa Jal le disait, il était comme Allah Azza wa Jal le disait, sur la traduction des sens du verset Surat al-Furqan, ceux qui disent: ô notre Seigneur, fais-nous don dans nos épouses et notre descendance la prunelle de nos yeux. Ce long texte de Al-Miqdam est sensationnel et c'est un puits de science et de leçons. Al-Miqdam ibn al-Aswad est un noble compagnon que le prophète, que Allah Azza wa Jal à qui Allah Azza wa Jal a permis de rencontrer le prophète alayhi salat wa salam et de croire en lui. C'est donc un compagnon. Il a cru en lui et s'est converti à l'islam. Il a appris de lui sa religion. Et ceci est le niveau le plus haut après le niveau de la prophétie, le niveau des compagnons. Lorsqu'un homme le vit, il fit ses éloges et l'informa de l'état de son cœur à sa vue, à sa vision. Il l'a félicité d'être un compagnon. Il lui a annoncé la bonne nouvelle. Puis il lui a dit, j'aurais tant aimé être à ta place. Vivre à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Vivre à l'époque du prophète, alayhi salam. Et il lui a dit, Touba li hatayn al-aynayn. Touba, bonne nouvelle à ses deux yeux qui ont vu le prophète, alayhi salam. Touba, cette expression, a été expliquée de différentes manières par les savants. C'est venu dans le Coran et la Sunna, par exemple, Touba lahum wa husnu ma'ab. Dans Suratu Ar-Ra'd. Alladina amanu aminu salihat. Ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres. Allah Azza wa Jal dit, Touba lahum wa husnu ma'ab. Ils auront un plus grand bien et aussi le plus bon retour. Certains savants ont dit que Touba, c'est le khayr ou le kafir. C'est beaucoup de bien. Beaucoup de bien. D'autres ont dit, c'est un arbre au paradis. C'est un arbre au paradis que le cavalier rapide ne réussira pas à traverser. Il y en a cet arbre à une ombre. Que le cavalier rapide ne réussira pas à traverser en 100 années, en 100 ans. Et d'autres explications mentionnées par les savants. Et ça peut réunir tout cela. Donc il dit, j'aurais tant aimé voir ce que tu as vu, à ce que tu as assisté. Ici, on voit que cet homme-là a connu et a compris la valeur des compagnons. Et on voit aussi l'amour qu'avait cet homme pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce qu'il avait dans le cœur. Mais à la surprise de Jubair ibn Nufayr, Al-Miqdam se met en colère suite à l'écoute de ses paroles. Il s'est donc étonné parce qu'en apparence, il n'a vu que du bien, il n'a entendu que du bien. Et ici, il y a une grande leçon. C'est que lorsque les savants parlent, certains petits disent, moi, je vois pas ça. Moi, pourquoi il dit ça alors que il faut accuser ta raison à toi. Il faut accuser ton niveau à toi. Et il faut aller demander au savant qu'est-ce qui l'a poussé à dire ça. Il sait et tu ne sais que peu. Il faut accuser ta raison. Il faut accuser ton niveau. Et des anciens amis que nous avions, on les a entendus proférer ces paroles. Des suites de certaines fatwas de nos savants ou des suites de certaines réponses de nos savants ou paroles. Parce qu'on n'avait pas encore embrassé de notre science cela. Et on n'avait pas encore le niveau de comprendre cela. Et par la suite, on a compris des années après. Mais le savant voit tôt ce que l'étudiant ou l'ignorant voit tard. Ici, le Miqdam se met en colère parce que cet homme espère une chose qui est impossible. Allah a déjà qaddar, il faut pas revenir. Allah a déjà décrété. Et les feuillets ont séché. Il ne faut pas espérer, souhaiter une chose qui est impossible. Et ça n'avance à rien. Et ça peut torturer l'esprit, amener la tristesse. Donc les sentiments doivent être régis et ordonnés selon la religion d'Allah Azza wa Jal et la révélation. Beaucoup de gens ont le cœur qui vibre et qui bouge pour et vers certaines choses. Et ils sont motivés, mais ils ne sont pas encadrés par les textes religieux, alors ils s'égarent. Et il tombe dans des fautes au nom de l'amour. Le compagnon ici l'a éduqué sur le réel amour, l'a éduqué sur la réelle droiture. Prenez pour exemple le compagnon du prophète alayhi salat wa salam qui a sacrifié la bête du Eid avant la prière. Vous savez que on doit attendre la prière pour pouvoir commencer à sacrifier. Mais ce compagnon s'est dit, je vais la sacrifier avant, je vais la préparer avant, comme ça après la khutbah. Le prophète sallam pourra manger de la viande, elle sera prête. Je vais honorer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cet homme lui a présenté la viande, le prophète s'est étonné parce qu'elle ne peut pas cuire aussi vite. Il lui a expliqué qu'il l'a sacrifiée avant et préparée avant. Il lui a dit, chatou kachatou lahm. Ta bête n'est que de la viande à la consommation. Ça, tu n'as pas la récompense du sacrifice du Eid. Y a-t-il une meilleure intention que celle-ci? Pourtant, le prophète sallam l'a éduqué Il l'a éduqué, l'a repris, l'a conseillé. Barakallahu feikum. Donc, il faut que nos ressentis et nos envies soient régis par les textes. Puis, Al-Miqdam a expliqué et a éduqué. Premièrement, tu souhaites une chose, assister à une chose, Allah Azza wa Jal n'a pas décrété cela pour toi. Deuxièmement, tu ne sais pas comment est-ce que tu aurais réagi à cette épreuve. Certains ont vu le Prophète mais ils ont mécru, ils vont en enfer. Toi, tu ne sais pas comment est-ce que tu te serais comporté à ce moment-là. Donc, n'espère pas une chose qu'Allah ne t'a pas décrétée. Deuxièmement, tu ne sais pas le comportement que tu aurais eu. Donc certains disent, j'aurais bien aimé vivre à l'époque du Prophète, j'aurais... Mais subhanallah, combien des gens parmi ses proches parents n'ont pas cru, ils vont aller en enfer. Et toi, alhamdoulilah, t'es musulman, pourquoi tu espères alors l'épreuve, bien qu'Allah Azza wa Jal t'en ait préservé. Naam. Certains parmi les des gens qui ont vécu à l'époque du Prophète, ont voyagé pour obtenir ce rang élevé de compagnons. Certains, dans leur biographie, tu trouves même qu'ils ont voyagé et arrivé à Dhul-Hulayfa juste avant Médine. On les a informés que le Prophète est mort. Allahu Akbar. Il y a entre eux et le fait d'être un compagnon, il n'y avait que un quart d'heure. 20 minutes. Subhanallah. À l'inverse, des gens qui ont été auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les proches et les non-proches, n'ont pas cru en lui et sont morts en dehors de l'islam. D'autres ont cru en apparence et ont mécru intérieurement. Ils vont donc en enfer. Ils n'ont pas cru en lui et n'ont pas répondu à son appel. Troisièmement, il lui dit de remercier Allah Azza wa Jal du fait qu'il est né et tout lui avait déjà été préparé. Il est né dans un endroit où il y a déjà l'islam. Il est né dans un endroit où c'est le tawhid, où c'est l'islam, où c'est l'iman, où c'est la foi. Alors remercie Allah Azza wa Jal que tu as connu cela et tu as grandi cela et tu as grandi dans cela et tu es sur cela. Tu as cru en ton prophète et tu n'as pas été éprouvé. Quatrièmement, dans le texte, il nous mentionne l'épreuve du prophète alayhi salatu wassalam et que le peuple auquel il a été envoyé, c'est le peuple le plus difficile. C'est le peuple le plus difficile. Comment a agi ce peuple? Allah nous dit dans le Coran, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Comment est-ce qu'ils ont répondu? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادٌ. Comment est-ce qu'ils ont répondu? Son oncle marche derrière lui au marché et dit لَا تُصَدِّقُوا فَإِنَّهُ كَذَّبُ. Ne le croyez pas, c'est un grand menteur. Allah nous dit dans le Coran, dans surat al-Saffat et dans surat al-Sad, sur la traduction des sens de ces versets, quand on leur disait « La ilaha illallah », il n'y a point de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Et ils disaient « Allons-nous délaisser toutes nos divinités pour un poète fou ?» Dans l'autre verset, et leurs notables partirent en disant « Allez-vous-en et restez constants à vos fausses divinités. » À vos divinités, c'est là vraiment une chose souhaitable. Ils disaient « Il a failli nous égarer de nos divinités. » Si nous n'aurions pas fait preuve d'endurance, c'est comme ça qu'ils se sont comportés. C'est comme ça qu'ils se sont comportés. Alors toi, n'espère pas être à cette époque-là. Puis il lui a mentionné le bienfait d'Allah sur eux. Le fait d'être dans l'islam, de grandir dans l'islam. Ça, c'est un bienfait immense. Depuis le premier jour, tu connais que le tawhid, que la sincérité, que la salat. On reprend donc le quatrième ou le cinquième point. Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète sallam à un peuple dans une situation la plus gravissime et la plus difficile. Fi fatra, il y a eu un long moment où il n'y a pas eu de prophète. Et fi jahiliya, ils étaient plongés dans les ténèbres de l'ignorance. Et il y a un magnifique hadith qui résume tout ça. C'est le hadith de Iyad al-Mujashiri. Lorsqu'il nous dit, le prophète sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum ash-shayatin fajtalathum 'an dinihim wa harramat 'alim ma halaltu lahum wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. Donc, يعني en résumé, Allah Azza wa Jal dit, j'ai créé mes serviteurs hunafa, يعني sur l'islam, tous. Et les diables leur sont venus, les ont égarés de la religion. Et leur ont rendu licite ce que j'ai rendu illicite. Et illicite ce que je leur ai rendu licite. Il leur a ordonné de me donner des associés. Ce sur quoi j'ai révélé aucune science, aucune preuve. Et certes, Allah a regardé les gens de la terre. Il les a tous détestés. Les Arabes parmi eux et les non-Arabes. Sauf une minorité parmi les gens du livre. C'est-à-dire que toute la terre, Allahu Akbar, a été plongée dans les ténèbres de la mécréance et les ténèbres du polythéisme. Sauf une minorité, Allahu Akbar. Il n'y avait pas de tawhid, il n'y avait pas la foi, il n'y avait pas la sincérité. Ils étaient tous égarés et dans les profondeurs abyssales de l'ignorance. Et dans les profondeurs abyssales de l'ignorance, il y avait la divergence, la dissension, il y avait les guerres et la division. L'honneur des femmes était entaché, les filles étaient enterrées vivantes. Na'am. Ils se combattaient, décimaient des populations entières. Le fort mangeait le faible. Ils mangeaient des bêtes mortes. Ils tournaient autour de la Kaaba nus. C'était le désordre total. La plupart des habitants de la terre étaient sur cela. Et dans la croyance, ils considéraient qu'il n'y avait pas une meilleure voie, une meilleure religion que quoi? Que d'adorer les saints, d'adorer les morts, d'adorer les tombeaux, d'adorer les pierres, les arbres. Subhanallah. Ils adoraient autre qu'Allah. Ils partageaient le culte entre Allah Azza wa Jalla et ses fausses divinités. Afara'aytum al-Lata wal-Uzza wa Manat al-Thalithata al-Ukhra. Un parmi les compagnons raconte et dit, un jour alors que nous étions en voyage, on avait pris notre divinité avec nous. C'était une belle pierre. C'était une belle pierre. Et lorsqu'on faisait halte, on la mettait dans un endroit et on la vénérait, on l'adorait. Et à un moment, on a perdu cette pierre. Et on a entendu « Yaqoum, ô vous, les gens, on a perdu notre Seigneur, cherchez-le donc. » Allahu Akbar. Regardez l'état dans lequel ils étaient dans la période de anti-islamique et de l'ignorance. Alors ils se sont séparés, ont cherché jusqu'à ce qu'un homme dise, ô peuple, c'est bon, nous avons retrouvé notre Seigneur, ou une chose qui lui ressemble. Allahu Akbar. Il y a aussi l'histoire de Amr ibn Jamuh. Na'am, ce jeune parmi les Ansar, qu'Allah Azza wa Jal a guidé à l'islam. Qu'Allah Azza wa Jal a guidé Na'am à l'islam. Ils avaient une fausse divinité. Naam, ils avaient une fausse divinité. Et il raconte Mada, son état avant l'islam. Et c'était un grand de Banu Salima, la tribu de Banu Salima. Et ils demandaient à leur divinité de se défendre contre le mal. Ils arrivaient même à leur mettre une épée à côté d'eux. Et un jour, il prend la fausse divinité de son peuple, il la cache, et on la cherche. Naam, on la cherche. Amr ibn Jamuh ou un autre. Jusqu'à ce que son père la trouve dans un trou. Il sort cette fausse divinité, il la nettoie et la remet à sa place. Le lendemain, il refait la même chose. Il la cache. Naam, dans un trou. Le père la cherche partout, puis la retrouve dans le trou. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. La troisième fois, il dit, je vais pas toujours te défendre. Et il met une épée avec la fausse humilité et lui dit, défends-toi cette fois-ci. Et à chaque fois qu'il reprenait sa fausse divinité, elle était sale, elle était couverte de déchets. Il la nettoyait, il la parfumait, et ainsi de suite. Mais là, il est venu et il a trouvé qu'un renard ou un chien urinait sur lui. Non, ça c'est une autre histoire. Il a trouvé une bête morte avec lui. Un chien mort avec lui. Et là, il a dit, qu'est-ce que cette divinité? Par Allah, si tu avais été une vraie divinité, toi et un chien, jamais vous n'auriez pu être dans le même trou. Et il a délaissé l'adoration des idoles et ils sont mis à adorer Allah Azzawajal, celle d'un culte sincère. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Comme celui qui a trouvé un renard uriné et il voyait l'urine découler de la tête aux pieds de sa fausse divinité. Il s'est étonné. Il a dit, comment est-ce qu'une divinité peut se faire uriner dessus par un renard? Et il a délaissé l'adoration des fausses divinités. Ça, c'était leur état dans la période anti-islamique. Ça, c'était leur état avant la guidée à l'islam. Puis, il mentionne la cause qui a sorti les gens des ténèbres vers la lumière. C'est quoi? C'est Al-Qur'an. C'est la révélation Al-Furqan. Al-Furqan, tabarak alladhi nazzala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Au début de sourate al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Donc Allah azza wa jalla a révélé le Coran et le prophète est venu à son peuple et les a invités au tawhid, à délaisser l'adoration des fausses divinités et à ne pas suivre la voie de leurs ancêtres. Naam. Il nous est venu avec la vérité. C'est Allah la vérité. C'est le prophète sallam la vérité. C'est l'islam la vérité. C'est le paradis la vérité. C'est la promesse d'Allah Azza wa Jal la vérité. Qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil. Inna al-batila kana zahuqa. Wa maza ba'da al-haq illa al-dalal. Et qui a-t-il après la vérité si ce n'est l'égarement? ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Ceci est car Allah est la vérité et ce qu'ils adorent en dehors de lui est le faux. Puis il décrit la terrible situation des gens, leurs bienfaits et leurs difficultés. Le bienfait, c'est qu'Allah les a guidés à l'islam. Leur difficulté, c'est qu'ils voient ce qu'ils aiment d'un amour naturel qui n'ont pas embrassé l'islam. Et s'ils meurent ainsi, ils iront éternellement en enfer, car le paradis est interdit aux associateurs. Et tout cela pour arriver à la partie témoin pour laquelle l'auteur a mentionné ce hadith ou ce athar ici, c'est que, comme la parole d'Allah Azzawajal, « وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ » Yani, comment est-ce que l'homme peut avoir yani, la plénitude de la tranquillité du cœur et l'apaisement en se disant que son proche parent, s'il n'entre pas en islam, il pourra s'éterniser en enfer. Et le verset, ceux qui disent, ô notre Seigneur, fais-nous don à nos épouses et notre descendance, la prunelle des yeux ou la fraîcheur des yeux. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui ouvre les cœurs à la foi. Il les a sauvés. Naam, il a sauvé ces gens qui étaient dans la jahiliya, de l'adoration des idoles vers l'adoration du Seigneur des cieux et de la terre. Il y a dans cela une épreuve pour celui qui embrasse l'islam, mais dont les proches n'ont pas encore embrassé l'islam. Ils font les causes et ils abandonnent leur affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est celui qui guide. Allah est celui qui réforme. Mais on doit faire les causes d'éducation, tout comme on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et l'assistance. Et faire ad-du'a. Voici pour ce chapitre. Donc l'enfant est la prunelle des yeux de ses parents, à condition qu'il emprunte le chemin de l'islam, à condition qu'il obéisse à Allah azza wa jal, au prophète sallam, et s'éloigne de la mauvaise voie. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين وارحم موتانا وتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.